Elle a le bout des doigts écorché. Sa robe est toute crasseuse et ses nerfs sont à vif. « T'as mis trop de temps !» siffle Imerius. « Y avait de l'or ? Qu'est-ce que t'as trouvé ?» Quand il dépasse le brise-lames pour rentrer au port, l'obscurité est déjà en train de refluer. Imerius manie ses rames avec tant de vigueur qu'Anna redoute de les voir se casser. Elle tire du sac un des manuscrits, un grand livre gondolé par la pluie, et déchire la première page en voulant la tourner. Le feuillet est rempli de petits traits verticaux, et c'est la même chose pour le suivant. Des colonnes entières de marques de comptage. De toute évidence, le manuscrit ne contient rien de plus. Des reçus ? Un quelconque registre ? Elle prend alors un livre plus petit, mais celui-là non plus n'offre rien de mieux que ses éternelles séries de hachures. Et il porte en outre des traces d'humidité, peut-être même de brûlure. Son cœur chavire. Une pâle lumière couleur lavande transperce la brume et Imerius pose ses rames une minute pour s'emparer du second codex et l'approcher de ses narines avant de dévisager Anna, sourcils froncés. « C'est quoi ça ?» Lui, il s'attendait à des peaux de léopard, à des coupes en ivoire serties de pierres précieuses. Anna fouille dans sa mémoire et y retrouve l'image de Licinius, ses lèvres pareilles à des vers blêmes nichés dans sa barbe. Même si leur contenu n'a aucune valeur, on peut toujours gratter les parchemins pour les réutiliser. Contrarié, Imerius laisse retomber le codex dans le sac et y donne un petit coup de pied. Puis il reprend ses rames. La grande caraque au mouillage semble flotter sur un miroir. Imerius tire son bateau bien au sec sur le rivage et s'éloigne après l'avoir retourné, son rouleau de corde à l'épaule et Anna sur les talons, tel un ogre traînant son esclave dans une comptine de nourrice. Lorsqu'il traverse le quartier des Génois, les demeures se font plus hautes et plus cossues. Beaucoup arborent des vitraux à leurs fenêtres, des façades décorées de mosaïques et des balcons orientés au sud qui surplombent les remparts maritimes devant la Corne d'Or. Aux portes du quartier vénitien, des gardes armés qui baillent sous un porche laissent passer les enfants en ne leur jetant qu'un bref coup d'œil. Après avoir longé une succession d'ateliers, ils s'arrêtent devant un portail. « Si jamais tu parles, appelle-moi frère. » recommande Imerius. « Mais le mieux, c'est que tu te taises. » Un domestique affligé d'un pied beau les conduit dans une cour où un figuier solitaire cherche désespérément le soleil. Il s'appuie contre un mur, les coqs chantent et les chiens aboient, et Anna imagine les sonneurs grimpant dans les clochers au milieu du brouillard pour réveiller la ville, les marchands de laine ouvrant leurs boutiques, les voleurs des rues regagnant furtivement leurs repères, les moines s'infligeant les premières mortifications de la journée, les crabes endormis sous les bateaux, les sternes plongeant vers la mer pour trouver leur pitance, criser la cuisinière en train de ranimer les flammes du foyer. Et la veuve Théodora monte l'escalier en pierre qui mène à l'atelier. « Seigneur, protège-nous de l'oisiveté car nous avons commis des péchés innombrables. » À l'autre extrémité de la cour, cinq pierres grises s'animent sous leurs yeux. Ce sont des oies qui s'éveillent en battant des ailes et les regardent en cacardant. Bientôt, le ciel prend une couleur de mortier et les charrettes circulent dans les rues. Maria racontera à la veuve Théodora que sa sœur souffre d'un accès de fièvre ou d'un refroidissement. Mais pendant combien de temps le mensonge tiendra-t-il ? Une porte finit par s'ouvrir et un Italien somnolent, vêtu d'un manteau en velours à manches trois quarts, examine Imerius avant de leur claquer la porte au nez, persuadé qu'il ne présente aucun intérêt. Dans la lumière du jour naissant, Anna fouille parmi les manuscrits imprégnés d'humidité. Le premier qu'elle tire du sac est à ce point barbouillé de moisissure qu'on n'y distingue plus le moindre caractère. Licinius s'extasiait toujours sur la qualité du vélin, un parchemin issu de la peau d'un veau arraché avant terme au ventre de sa mère. Selon lui, écrire sur le vélin, c'était comme écouter la plus pure des musiques. Mais les peaux qui ont servi à fabriquer ces livres sont grossières et rugueuses au toucher, et elles dégagent une odeur de bouillon rance. Imerius ne s'est pas trompé. Ils n'en tireront pas un sou. Une servante passe avec une jatte de lait, marchant à pas menus pour ne pas le renverser, et Anna a tellement faim que la cour se brouille devant ses yeux. Elle a échoué une fois de plus. La veuve Théodora la corrigera à coups de bâton, Imerius ira dénoncer ses larcins au couvent, Maria n'aura jamais assez d'argent pour se faire bénir au sanctuaire de la Vierge de la Source, et le jour où le corps d'Anna se balancera au gibet, la foule criera « Alléluia ». Comment l'existence peut-elle vous mener à cela ? à porter une robe toute rapiécée par-dessus les vieux jupons de sa sœur, alors que des gens comme Kalapatès se promènent en habits de velours et de soie avec des serviteurs à leur basque, pendant que des étrangers tels que ceux-ci ont des jattes pleines de lait, des oies en abondance et un manteau différent pour chaque jour de fête. Elle sent un cri monter en elle, un hurlement propre à fracasser le verre, lorsqu'Imerius lui présente un petit codex défraîchi doté d'une reliure à fermoir. Anna l'ouvre par le milieu. Le grec ancien que lui a enseigné Licinius se déploie sur toute la page en ligne bien ordonnée. On raconte que l'Inde élève une race de chevaux pourvus d'une corne unique, ainsi que des ânes à une corne. À partir de ces cornes, on fabrique des coupes. Et si quelqu'un y a versé du poison, celui qui y boit s'en tire sans dommage. Sur la page suivante, on me dit que le phoque régurgite le lait caillé contenu dans son estomac afin qu'il ne puisse servir de remède aux épileptiques. Le phoque est une créature malfaisante. Je vous en donne ma parole. Le cœur d'Anna bat de plus en plus vite. « Celui-ci !» souffle-t-elle. « Montre-leur celui-ci !» Imerius lui reprend le livre des mains. « Non, tourne-le dans l'autre sens. Voilà. » Le garçon frotte ses yeux proéminents. L'écriture est élégante et maîtrisée. Anna attrape au hasard une bribe de phrase. « J'ai entendu dire que le pigeon était, de tous les oiseaux, le plus sage et le plus modéré dans ses relations sexuelles. » S'agit-il d'un traité sur les animaux ? Revoici le serviteur Piébot, qui fait signe à Imerius de le suivre. En portant le sac et le livre, le garçon entre dans la maison. Les oies surveillent Anna dans la cour. Il ne s'écoule même pas une minute avant qu'Imerius reparaisse. Alors ? Ils veulent te parler. Deux volées de marches en pierre, une réserve pleine de fûts empilés, et il pénètre dans une pièce où règne une odeur d'encre. Sur trois grandes tables s'éparpillent des bougies, des encriers, des plumes et des porte-plumes, des poinçons et des couteaux, des blocs de cire à cacheter, des calames et de petits sacs de sable en guise de presse-papier. L'un des murs est tapissé de cartes marines. Plusieurs rouleaux y sont appuyés, penchés les uns contre les autres, et les oies ont semé des fientes un peu partout, étalées sur le carrelage aux endroits où on les a piétinées. Assis à la table centrale, trois étrangers rasés de frais étudient les feuillets du codex découverts par Anna, jacassant à toute allure comme des oiseaux fébriles. Le plus petit des trois, qui est aussi le plus brun, considère Anna d'un œil sceptique. « Le garçon prétend que tu es capable de déchiffrer ceci. »« Nous regrettons de ne pas mieux maîtriser le grec ancien, » dit l'étranger de taille moyenne. Anna pose fermement un doigt sur le feuillet de parchemin et lit. La nature a créé le hérisson prudent et habile à pourvoir à ses besoins. Comme il doit amasser des provisions pour une année et que... Les trois hommes recommencent à vocaliser comme des moineaux. Le plus petit demande à Anna de poursuivre et elle lit péniblement quelques lignes. Des observations sur les mœurs de l'anchois, puis la description d'un animal appelé cigogne à bec ouvert, jusqu'à ce que le plus grand, qui est aussi le plus élégant, l'interrompe pour se déplacer au milieu des rouleaux, des homélières et du matériel d'écriture. Il s'arrête devant une armoire et contemple l'intérieur comme s'il s'agissait d'un paysage au loin. Sous l'une des tables, une écorce de melon oubliée grouille de fourmis. Anna a l'impression d'avoir pénétré dans un fragment de l'épopée d'Ulysse, de voir les dieux s'entretenir à voix basse au sommet de l'Olympe avant de descendre à travers les nuées pour sceller son destin. Le plus grand des trois hommes demande en écorchant la langue grecque: « Où avez-vous trouvé ceci ?»« Dans un lieu bien caché, » répond Imerius. « On n'y arrive pas comme ça. »« Est-ce un monastère ?» Imerius hoche la tête d'un air hésitant. Les trois Italiens se concertent du regard, le garçon hoche de nouveau la tête, et bientôt tout le monde opine de concert. « Où exactement dans ce monastère ?» s'enquiert le plus petit en tirant du sac les autres manuscrits. « Dans une salle. » « Grande, la salle ?»« Assez grande, pas trop petite, » fait Imerius. Les trois hommes se mettent à parler en même temps. « Y a-t-il d'autres manuscrits comme celui-ci ? Comment étaient-ils disposés ? Alignés ? Ou plutôt empilés ? Combien y en avait-il ? À quoi ressemble la décoration de la salle ?» Imerius replie les doigts sur son menton, feignant de passer ses souvenirs en revue sous le regard attentif des Italiens. « Elle n'est pas grande, cette salle. » déclare alors Anna. « Et je n'y ai vu aucun ornement. Elle est ronde, et dans le temps, elle avait un plafond voûté. Mais depuis, le toit s'est effondré. Il y avait d'autres livres et aussi des rouleaux rangés dans des niches, comme des ustensiles de cuisine. Une vague d'enthousiasme circule parmi les trois hommes. Fouillant sous son manteau bordé de fourrure de renard, le plus grand en extrait une bourse et fait tomber des pièces au creux de sa paume. Anna voit des ducats et des stavrata en argent. La lumière du matin danse au-dessus des tables de travail et elle est prise d'un vertige soudain. « Notre Seigneur a la main à tout », explique le plus grand. « Vous voyez ce que je veux dire ? Navigation, commerce, religion, armée. Mais la chose qui l'intéresse en priorité, sa passion, si vous préférez, est de retrouver la trace des manuscrits de l'Antiquité. Selon lui, toutes les idées les plus brillantes ont été conçues il y a 1000 ans. L'homme hausse les épaules. Anna ne peut détacher les yeux de l'argent. Pour le texte sur les animaux, lâche-t-il, remettant une douzaine de pièces à Imerius qui reste bouche bée, tandis que l'étranger de taille moyenne se saisit d'une plume et entreprend de la tailler. Apportez-nous d'autres manuscrits, conclut le plus petit, et nous vous paierons davantage. Au moment où ils sortent de la cour, la clarté du matin resplendit. Le ciel est teinté de rose et la chaleur dissipe le brouillard. Anna règle son pas sur les grandes enjambées du garçon alors qu'il se frette un chemin au milieu de superbes bâtisses en bois qui, à cet instant, paraissent plus belles que jamais. La joie cabriole à l'intérieur d'Anna. Sur le premier marché qu'il rencontre, un marchand fait déjà frire des galettes fourrées de fromage, de miel et de feuilles de laurier. Ils en achètent 4 qu'ils avalent goulûment et Anna sent l'huile chaude lui couler dans la gorge. Imerius compte la part d'argent qui lui revient et elle enfouit les lourdes pièces sous la ceinture de sa robe avant de se hâter à l'ombre de l'église Sainte-Barbara, puis traverse un nouveau marché, plus étendu que le premier et qui déborde de charrettes et de rouleaux d'étoffe. On y vend de l'huile dans des amphores, un rémouleur installe sa meule à aiguiser, une femme tend la main pour retirer le drap qui voilait une cage, un enfant transporte des brassées de roses automnales, la voie se remplit d'ânes et de chevaux, de génois et de géorgiens, de juifs et de pisans, de diacres et de nonnes, de cambistes, de musiciens et de coursiers, deux joueurs commencent déjà à lancer leurs dés en corne de bœuf, un notaire porte des documents, un noble fait halte devant un éventaire, escorté d'un serviteur qui l'abrite sous une ombrelle, et si Maria veut acheter les anges, alors le moment est venu. Ils voleront doucement autour de sa tête en effleurant ses paupières de leurs ailes.